الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداهم إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله تعالى واعلموا أن تقوى الله عز وجل هي التي تقربكم إلى الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى في كتاب الكريم: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فتقوى الله لا فوائد عظيمة. لذا أوصى الله سبحانه وتعالى الأولين والآخرين، فقال جل وعلا في كتاب الكريم: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. تقوى الله تعالى كلمة جامعة لكل خير، تقوى الله فيها خيرات كثيرة ونتائج عظيمة. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. وقال: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال عز من قائل: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. المتقون مكرمون في الدنيا والآخرة من عند الله سبحانه وتعالى. قال الله: إن المتقين في جنات وعيون. وقال تبارك وتعالى: إن المتقين في جنات ونهر. وقال عز وجل: إن المتقين في جنات ونعيم. والآيات كثيرة. والجنة أعدها الله سبحانه وتعالى لعباد المتقين، فهي دار المتقين. تقوى الله تعالى في العبادة أن لا يعبد إلا الله عز وجل وحده لا شريك له. تقوى الله كلمة جامعة، لذا سمى الله لا إله إلا الله كلمة التقوى. تقوى الله كلمة جامعة، لذا سمى الله سبحانه وتعالى لا إله إلا الله كلمة التقوى، لأن من قالها عالما بمعناها عاملا بمقتضاها ظاهرا وباطنا فقد اتقى الله. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وذلك بأن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. فهل أحد يستطيع هذا؟ فبين الله سبحانه وتعالى معنى هذه الآية فقال: فاتقوا الله ما استطعتم. فعلينا عباد الله بتقوى الله عز وجل في السر والعلن في كل مكان وزمن دائما وأبدا. تقوى الله في العسر واليسر، اتق الله حيثما كنت. أما من يتق الله في الظاهر عند الناس وإذا خلا بارز الله تعالى الجبار بالمعاصي، فهذه طريقة تشبه طريقة المنافقين الذين هم كما قال الله في الدرك الأسفل من النار. فحقق تقوى الله في نفسك وأرشد أهلك وأولادك إلى ذلك. قال الله: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، فابتعدوا عن أسباب دخول النار وجنبوا أسركم أسباب دخول النار. عباد الله، مهما اجتهد العبد في تحقيق تقوى الله تعالى لا بد له من التقصير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. فمن تقوى الله عز وجل حينئذ أن لا تيأس من رحمة الله، بل بادر بالتوبة إليه والاستغفار، قال الله سبحانه وتعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فاقبلوا وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن، رواه الترمذي. ومن آخر ما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم في مجمع عظيم بعد أن ذكر الصحابة وعظهم وقال: أوصيكم بتقوى الله. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا إلى كل خير وأن يهدينا إلى سواء السبيل، والحمد لله. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أيها الناس، خني الله سبحانه وتعالى comme il doit être craint et prémunissez-vous de son châtiment. Allah subhanahu wa ta'ala nous enseigne dans le Coran que par la crainte d'Allah on se rapproche de lui, que par la crainte d'Allah on atteint les hauts degrés dans ce bas monde et dans l'au-delà. Il nous dit même: le plus noble d'entre vous auprès d'Allah est le plus pieux. Donc avec la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu obtiendras de nombreux bienfaits dans ce bas monde et dans l'au-delà. C'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala a recommandé à l'ensemble des générations, à la communauté musulmane, la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais également la communauté de Isa alayhi salam, celle de Moussa alayhi salam, et ceux qui sont passés avant, il leur a recommandé la piété. Il nous dit dans son livre: nous avons certes fait des recommandations, ainsi qu'à vous, à ceux qui vous ont précédés, et nous vous avons enjoint de craindre Allah. La crainte d'Allah tabaraka wa ta'ala est de l'adorer avec clairvoyance, de mettre en pratique ce qu'il nous a ordonné et de s'éloigner de sa désobéissance. Tout cela en espérant sa récompense et en ayant peur de son châtiment. Donc at-taqwa, c'est un mot qui englobe un bon nombre de sens. Ça englobe tout le bien et tout ce qui nous rapporte la félicité dans ce bas monde et dans l'au-delà. Celui qui met en pratique la crainte d'Allah et qui concrétise cette grande parole obtiendra de nombreux bienfaits et aura une bonne finalité ici-bas et dans l'au-delà. Allah nous dit dans son livre, pour nous montrer les bienfaits de la crainte, les bienfaits de la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala: ô vous qui avez cru, ô vous qui avez cru, si vous craignez Allah, il vous accordera le discernement. Il vous accordera le discernement et vous pardonnera vos péchés. Il vous pardonnera vos péchés et vous les effacera. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit également: celui qui craint Allah, lui sera facilité une issue. Celui qui craint Allah lui sera facilité une issue et il obtiendra sa subsistance d'où il ne s'y attendait pas. Allah nous dit également: celui qui craint Allah, il lui accordera la facilité. Les gens pieux sont les gens honorés auprès par Allah tabaraka wa ta'ala ici-bas et dans l'au-delà. Il nous dit subhanahu wa ta'ala dans son livre: certes, les gens pieux obtiendront des jardins et des ruisseaux, c'est-à-dire au paradis. Il nous dit également: ils obtiendront des jardins et des délices, et cela dans plusieurs versets. Donc voici la finalité des gens pieux dans l'au-delà. Ils iront au paradis et seront proches d'Allah tabaraka wa ta'ala. Le paradis, la demeure qu'Allah subhanahu wa ta'ala a préparée pour les gens pieux, c'est la récompense de ceux qui auront mis en pratique la piété. La plus grande piété est d'adorer Allah Azza wa Jal d'un culte sincère, de s'éloigner de toute forme de polythéisme. Parmi la plus grande piété, le fait de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de veiller à n'adorer qu'Allah tabaraka wa ta'ala Et cela, qu'à la manière dont il nous l'a enseigné, en s'éloignant de toute innovation et nouveauté religieuse. Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne dans le Coran et nous dit, ô vous qui avez cru, craignez Allah comme il doit être craint, et veillez à ne mourir qu'en pleine soumission. Et cela se concrétise en étant constamment dans son obéissance et en ne lui désobéissant pas, en se rappelant constamment de lui sans jamais l'oublier, en se montrant toujours reconnaissant devant ses bienfaits sans jamais être ingrat. Et qui est-ce qui peut mettre en pratique cela comme Allah Azza wa Jal le mérite? Et c'est pour cela qu'Allah Azza wa Jal nous explique ce verset et nous dit « Craignez Allah autant que possible. » Celui qui fait son maximum, Allah Azza wa Jal lui accordera la grande récompense et lui effacera ses fautes. Nous devons donc mettre en pratique cet ordre divin, craindre Allah tabaraka wa ta'ala autant que possible, que ce soit en public ou que ce soit en privé, que ce soit en voyage ou au sein de ta famille, que ce soit dans ton foyer ou au travail, que ce soit à la mosquée ou à l'extérieur. Tu dois constamment avoir cette qualité. Tu dois constamment t'efforcer de craindre Allah tabaraka wa ta'ala et de lui obéir. Et cela dans toute situation. Lorsque tu es satisfait ou lorsque tu es en colère. Lorsque tu es joyeux ou lorsque tu es triste. Dans toute situation, tu dois craindre Allah tabaraka wa ta'ala. Quant à ceux qui craignent Allah tabaraka wa ta'ala en public, mais lorsqu'ils sont en privé, ils désobéissent Allah tabaraka wa ta'ala, sachez que c'est ainsi qu'ont été décrits les pires créatures d'Allah azza wa jal, les hypocrites. Lorsqu'ils sont en public, ils se montrent pieux, essayent de montrer une bonne apparence, mais lorsqu'ils se retrouvent seuls, ils outrepassent les limites d'Allah tabaraka wa ta'ala et oppriment ses serviteurs. Nous devons donc craindre Allah azza wa jal en public et en privé. Que dire alors, chers frères, de ceux qui ne craignent pas Allah azza wa jal, même en public? Celui qui ne craint pas Allah tabaraka wa ta'ala en public, sans aucun doute, à plus forte raison, il ne craindra pas Allah tabaraka wa ta'ala en privé. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Donc efforçons-nous de concrétiser la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et sachez que la personne n'est pas infaillible, elle est sujet à l'erreur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, tout fils d'Adam est sujet à l'erreur, et le meilleur de ceux qui fautent est celui qui se repent. Donc la personne qui tombe dans le péché doit se rappeler Allah tabaraka wa ta'ala, avoir honte du regard d'Allah tabaraka wa ta'ala, craindre le retour vers Allah subhanahu wa ta'ala pour le jugement et la rétribution. Elle doit savoir qu'il n'y a que deux chemins dans l'au-delà. Fariqun fil jannah wa fariqun fil sa'ir. Il y aura un groupe qui entrera au paradis. Ja'ana Allah wa iyyakum min ha'ula'il fa'izin. Et il y aura un groupe qui entrera en enfer. A'adana Allah wa iyyakum min tariqatil ashqiya. Donc, efforçons-nous de concrétiser cette crainte. Celui qui tombe dans le péché après avoir fait ce qu'il a pu doit se rappeler Allah, doit revenir vers lui et ne pas désespérer de la miséricorde d'Allah tabaraka wa ta'ala, ni entrer dans l'autre extrême. Ceux qui tombent dans les péchés et ne se soucient pas du regard d'Allah n'ont pas honte des anges qui notent nos mauvaises actions. Ils dépassent les limites, transgressent sans se soucier du châtiment d'Allah tabaraka wa ta'ala. Mais tu dois être, cher frère, dans le juste milieu. Tu dois t'efforcer de ne pas désobéir à Allah azza wa jal et de rester constamment dans son obéissance. Puis lorsque tu tombes dans le péché, rappelle-toi sa grandeur. Rappelle-toi ses bienfaits sur toi et aie honte de son regard. Repens-toi et reviens vers lui. Demande-lui pardon et sache qu'Allah Azza wa Jal est grand accueillant repentir et il pardonne chaque jour, subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, certes Allah étend ses mains la nuit pour accueillir le repentir de celui qui a désobéi le jour, tout comme il étend ses mains le jour pour accueillir le repentir de celui qui a péché la nuit. Donc, demandez pardon à Allah Azza wa Jal pour vos méfaits et vos péchés. Le prophète Allah Azza wa Jal nous dit dans le Coran, ceux qui commettent des turpitudes ou sont injustes envers leur propre personne, puis se rappellent d'Allah, lui demandent pardon pour leurs péchés, Allah leur pardonnera. Ou bien il nous dit, ils ne restent pas dans leur désobéissance, mais ils lui demandent pardon, Et qui est-ce qui pardonne les péchés si ce n'est Allah? Qui est-ce qui pardonne les péchés si ce n'est Allah? Et ils ne restent pas dans leur désobéissance. Ils ne restent pas dans leur désobéissance. C'est comme cela qu'ont été décrits les serviteurs pieux d'Allah. Lorsqu'ils se trompent, ils reviennent vers Allah. Ils lui demandent pardon et ne restent pas dans la désobéissance. Ne restent pas dans le péché. Donc acceptez la recommandation d'Allah, votre Seigneur. Acceptez également la recommandation de votre prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il dit, crains Allah où que tu sois, et fais suivre la mauvaise action d'une bonne action, elle l'effacera, et comporte-toi avec les gens, avec de nobles caractères. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parmi ses dernières recommandations qu'il a prononcées à ses compagnons, après avoir fait une grande exhortation, à avoir donné de nombreuses recommandations, il nous dit, Ousikum bitaqwallah, je vous recommande de craindre Allah, c'est-à-dire de vous montrer obéissant vers lui autant que possible et de délaisser sa désobéissance. On demande à Allah Azza wa Jal de nous accorder cette noble qualité, ce noble caractère. Et les gens pieux ont de nombreuses caractéristiques, ce qui fera l'objet d'une autre khutbah, inshallah ta'ala. Il y a une personne qui est décédée du nom de l'Ahsan. نسأل الله سبحانه وتعالى يغفر له ويرحمه ويرفع درجاته في الجنة ويكفر عنه سيئاته كما أسأل تبارك وتعالى أن يصبر أهله أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ييسر لنا كل خير وأن يهدينا إلى سواء السبيل اللهم صل وسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك